On va parler avec notre ami Bruno Boudreau du baseball. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Bruno, on va continuer notre tour d'horizon. On devait le faire vendredi, mais on n'a pas été capable de le faire. On a eu de la misère à se parler. Tour d'horizon des différents circuits. On va avoir des différentes divisions dans la Ligue américaine cette fois. Mais avant, je veux te parler. Qu'est-ce que tu as remarqué de la première fin de semaine dans le baseball? Moi, je trouve c'est de bonheur. Tu sais, je trouve ça de bonheur, moi, le 28 mars. Tu Oh. sais, puis même ça, si on compte les matchs au Japon, ça a été le 23 mars. Je trouve ça de bonheur en tabarouette. Il me semble que ça aurait dû commencer comme aujourd'hui, là. Je sais pas, 1er avril. Ben, écoute, ils font ça parce qu'ils veulent se laisser du lousse pour finir en octobre. C'est maintenant ça l'objectif. À chaque saison, ils veulent maintenant finir la série mondiale en octobre. Fait que ça fait partie des mesures qui ont été faites. Moi, personnellement, je vois pas nécessairement de problème, là, que ce soit début avril ou fin mars, quelques jours d'écart. Je trouve que ça laisse juste un peu d'espace. Puis, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a un printemps tardif, là. Normalement, on devrait voir un peu de pelouse à ce temps-ci de l'année. Là, on voit rien du tout de ça. Ça nous crée peut-être cette impression-là. Mais moi, je n'ai pas de problème. Je pense que l'idéal, c'est de commencer le plus tôt possible pour s'assurer que la Série mondiale finisse en octobre. Quand ça s'étire jusqu'au 7, 8, 10 novembre, là, tu commences à être un petit peu trop loin et puis tu rentres trop creux dans l'automne. Fait que je trouve que ça fait plus de sens de devancer un petit peu. Puis ça te laisse plus de flexibilité aussi. Je sais qu'en fin de saison, des fois, il y a des bris d'égalité, tout ça. Ça permet, là, justement, de placer ces matchs-là. Puis je pense que ça va laisser aussi plus d'air un petit peu aux joueurs en cours de saison. OK. Bruno, j'ai une théorie. Je veux te demander un petit peu qu'est-ce que tu as retenu de la première fin de semaine? Ben écoute, je te dirais, je vais parler des Blue Jays rapidement parce que j'ai regardé un peu des matchs des Blue Jays, puis hier, je me disais, bon, ils ont égalisé le match en fin de match, puis je regardais ça, je me disais, ben, s'ils commencent la saison 3-1, ça peut bien commencer, mais après ça, bon, ils ont perdu, c'est une chose, mais c'est surtout que je suis venu à regarder c'est quoi l'équipe qui était l'autre bord. Puis je me disais, est-ce que les Blue Jays sont nécessairement beaucoup meilleurs que les Tigers de Détroit dans certaines positions? Puis les Tigers, elles, sont loin dans mon classement. C'est peut-être la deuxième pire équipe de la Ligue américaine, là, à mon sens, ou en tout cas, c'est pas la pire. Je pense que les Orioles sont pires, mais c'est dans les deux pires équipes de la Ligue. Et je trouve que les Blue Jays sont dangereusement proches de ces deux équipes-là. Ils sont beaucoup plus proches de ces deux équipes-là qu'ils sont proches qu'une équipe comme les Yankees. Fait que oui, Vladimir Junior, quand il va arriver, va amener de l'intérêt puis de l'émotion puis tout ça. Mais ça, moi, je pense que la comparaison des alignements m'a vraiment frappé en disant, OK, là, les Blue Jays, ça va être tough cette année. Oui, ils auraient pu gagner trois des quatre premiers matchs, mais ça va être une longue saison parce que d'un point de vue d'alignement, c'est là que tu vois que, OK, là, il y a des trous, il y a des faiblesses dans le rôle offensif. On a vu en fin de match aussi, il Ça n'y avait pas fait beaucoup de 3 ans profondeur. que Ross Haskins fait rien. Ben, il est préparé pour l'avenir. C'est Bo Bichette, c'est Vladimir Junior, c'est. Il regarde vraiment, puis cette année, puis je disais Steve Phillips la semaine passée, il disait la même chose. Cette année, c'est vraiment une année de reconstruction. Ils savent qu'ils vont avoir des foules difficiles, de la télévision, ça va être plus difficile aussi, des codes d'écoute, tout ça, mais ça fait partie du processus. Ils vont être jugés en 2020-2021, ce groupe-là. Puis s'il se passe rien, puis qu'en bout de ligne, ils ont mis leurs œufs dans le même panier, exemple sur un Vlad Junior, puis ça finit pas par donner ce que ça devait donner. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les juger parce qu'ils sont vraiment en plein cœur d'un processus de reconstruction. Puis il faudra pas se surprendre qu'il y ait d'autres joueurs qui quittent Toronto. J'ai regardé un joueur, par exemple, comme Justin Smoke. On a vu Kendrys Morales est déjà parti. Donc, on va bouger encore cette année. Je pense que les Blue Jays vont. Kevin Pillar sur le marché. Donc, ça va bouger Strongman, encore à Toronto. Oui. Strongman, Stroman et compagnie. Là. Strongman, mais quelque part, puis tu me parles de Vladimir, puis avec raison, puis t'as Bo Bichette, puis ainsi de suite. Faut savoir aussi que Vladimir, c'est Alex Antopoulos, malheureusement, c'est pas Ross Haskins. Ça fait 3 ans qu'il se passe pas grand-chose à Toronto. Depuis que cette administration-là est arrivée, on coupe, on coupe, on coupe. Puis à un moment donné, ben, moi, j'en viens toujours à dire, puis ça, on en a parlé, mais tu sais, les Blue Jays de Toronto, c'est pas les Marlins de la Floride, là. Ils ont un potentiel pas mal plus grand que les Marlins de la Floride, là. Oui, mais Je je trouve pense ça que triste, moi. Je c'est trouve ça ça. très triste. C'est la commande, hein, tu sais, la commande, elle vient d'en haut, puis on a vu d'être. Quand t'embauches ces gars-là, c'est à ça que tu peux t'attendre aussi. Mais quand tu regardes un peu d'autres organisations qui ont suivi ce virage-là, s'ils font les bonnes choses, ça pourrait peut-être produire une organisation gagnante pour un 3, 4, 5 ans au début des années 2000. Ça va être à surveiller. Bon, OK, on va y aller. On va commencer par l'ouest de l'Américaine. Donc, dans l'ouest de l'Américaine, les experts au lit, je vais juste. Les experts que je. Donc, je, pas, que je, les revues que j'achète, autrement dit. Évidemment, c'est les Astros et Houston qui sont au premier rang. Et on favorise les Astros, puis il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Non, vraiment pas. Puis moi, j'ai choisi les Astros pour gagner la Série mondiale cette année. C'était mon choix de champion de la Série mondiale. Fait que je pense qu'ils ont tous les atouts à toutes les positions. C'est probablement l'équipe la plus complète du baseball majeur. En fait, dans l'américaine, puis on va sûrement en parler plus rapidement que la nationale parce que c'est tellement très, très top heavy, là, les équipes au sommet qui sont vraiment dominantes dans chacune des divisions. Ils ont aussi plus américaines aussi, là. Exact. Et c'est ils ont des équipes vraiment beaucoup plus dominantes aussi qui sont là. Alors ça, pour moi, ça fait vraiment vraiment du sens au sommet. C'est plus ce qu'on va retrouver après. Est-ce que les Aces d'Oakland, par exemple, peuvent se refaufiler dans un match de meilleur deuxième? Moi, les Aces, c'est une de mes équipes préférées. Je me demande s'il y a assez de lanceurs pour être capable de supporter ça. J'en doute, mais ça pourrait que ça soit le cas. Et aussi, une autre équipe là, qui va être intéressante à suivre, c'est les Angels, parce que justement, bon, Mike Trout a signé un contrat à long terme et on veut amener cette équipe-là en série. Est-ce qu'on va faire d'autres mouvements personnels? Ce sera quelque chose qui va être à surveiller. Sinon, du côté de Seattle et des Rangers, ben Seattle, c'est une équipe, on sait pas trop. Des fois, ils vont en virage jeunesse, des fois, ils prennent des vétérans. Fait que d'année en année, c'est dur à suivre. Et du côté des Rangers, ben ils rentrent dans un nouveau stade l'an prochain. On a voulu faire un virage un peu comme les Braves, hein, tenter d'avoir une équipe compétitive pour le nouveau stade, mais je pense que ça va être plus difficile. La division est très forte avec les Astros et les A's au sommet. Je pense que ça va peut-être prendre une ou deux années encore avant que les Rangers reviennent au milieu de peloton. Écoute, est-ce que tu penses qu'Abraham Toro va jouer cette année avec les Astros? Ou il va? Puis, moi, je pense qu'il va très bien servir de monnaie d'échange, moi, pour genre le 31 juillet, là. Ben écoute, c'est le genre de joueur que les Astros pourraient être prêts à sacrifier dans un échange. Ouais. Mais pour jouer, l'équipe est tellement bien nantie de A à Z. Ça prendrait vraiment un concours de circonstances vraiment pour lui ouvrir la porte. Par contre, je pense qu'au cas d'entraînement, il a tellement bien fait les choses qu'il s'est bien positionné pour la suite. OK. On va surveiller également Charles Leblanc qui joue dans le 2A avec les Rangers Texas. C'est une année très, très, très importante pour lui. On va essayer de vraiment important. Au cours de la saison, Bruno, je te le dis tout de suite. Je t'inviterai une... Donc, dans la centrale maintenant, on y va avec les Indians Cleveland, les Twins du Minnesota, les White Sox de Chicago, Detroit et Kansas City. Je pense que, les Indians sont favorisés, mais beaucoup d'experts, j'écoutais en fin de semaine, les Twins, on met les Twins deuxième, puis les White Sox de Chicago troisième. Écoute, les White Sox, on parle beaucoup des Jays avec les jeunes. Les White Sox ont un très bon réseau de filiales et ça ne démarre pas malheureusement. Ouais, ben puis ils ont des blessures, hein, je pense entre autres à leur lanceur numéro un d'avenir, le Michael Kopech, qui a subi l'opération Tommy John, donc il ne lancera pas en 2019. Déception aussi dans mon pool personnel Dynasty Fantasy où j'avais bien des espoirs en Michael Kopech. Et quand on regarde, bon, ils ont promu Eloy Jiménez. Quand ils ont fait l'acquisition de Yoan Moncada dans l'échange de Chris Sale avec les Red Sox de Boston, c'était le joueur clé, Yoan Moncada, le Cubain qui malheureusement n'a jamais vraiment éclos encore. Donc, c'est ça, juste l'avenir, est-ce que c'est suffisant? Ben, c'est là qu'on le voit, là. Ils ont échoué également en tentant d'acquérir Manny Machado. Donc, je pense que troisième de la division, c'est bien placé. Les Twins, ben, c'est beaucoup d'experts disent la même chose, puis je suis un peu d'accord. C'est comme une équipe bien bâtie, pas trop de faiblesses, mais pas trop de force non plus. T'as qu'une équipe moyenne, puis les projections, c'est entre 78 à 82 victoires. Fait que c'est ça, t'es moyen partout, t'as pas de force à des places précises, puis en bout de ligne, tu vas te ramasser probablement à pas être capable de gagner plus que la moitié des matchs. Et ça ouvre la porte aux Indians, qui ont la meilleure rotation, et malgré un champ extérieur vraiment qui a pas été revampé, on pensait qu'il allait avoir des acquisitions. Ça va être l'année déterminante aussi parce qu'il y a le contrat de Francisco Lindor qui va venir à échéance dans deux ans, puis on parle déjà là, les Indians n'est pas dans leur modèle d'affaires de signer des gars comme ça, surtout les contrats qu'on voit là. Lindor, c'est un candidat à aller chercher à 250-300 millions pour 10 ans et on lui offrira pas ça à Cleveland, donc on va essayer de maximiser cette année. Je serais pas surpris de voir les Indians faire quelques manœuvres pour tenter de gagner cette année, puis l'an prochain l'échanger pour ne pas le perdre avant l'autonomie. Mais les Indians dans cette division-là sont vraiment tout seuls, et on a parlé des Tigers brièvement, mais les Royals de Kansas par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plein de joueurs de vitesse. Un gars comme Merrifield, ils ont été chercher Billy Hamilton. Donc, ils ont un alignement quasiment des années 80. Ils ont deux, trois joueurs capables de voler 40-50 buts. Donc, pour les partisans qui vont se rendre au match, juste cet aspect-là, vitesse, on ne voit pas ça dans beaucoup d'équipes. Ça va être intéressant. Les Cards de Saint-Louis. On dit qu'ils vont jouer comme les Cards de Saint-Louis des années 80. Ça me manque. Exact. Beaucoup de pression, beaucoup de pression sur les lanceurs, tout ça. La difficulté, c'est de se rendre sur les buts. Puis aussi, ce qui est avec la blessure de Salvador Perez, là, tu perds ton cœur pas mal de l'alignement, ton receveur numéro un. Donc, ça s'annonce une année difficile, ça va être une année plus difficile, mais ça ajoute une twist que je trouve, je suis d'accord avec toi, qui manque. Il y a beaucoup d'équipes que c'est de la puissance, les retraits au bâton, puis on fait la grosse manche, alors qu'eux autres, ils vont fabriquer des points. Puis si les lanceurs tiennent le coup, aller chercher des petites victoires de 4-3-3-2 comme ça. Tu t'en rappelles-tu, Bruno, de ces matchs-là où t'étais trop jeune, Expo Card des années 80, t'avais Vince Coleman, Willie McGee, Tommy Herr, de l'autre côté, t'avais Reigns, Rex Hudler, Otis Nixon. Tu t'en rappelles-tu de ces matchs-là? Ça, c'est ben, j'étais jeune pas mal, honnêtement, des années 80, j'avais 5-6 ans, pas grand souvenir de ça. C'était les meilleurs matchs du baseball, avec Whitey Herzog comme gérant. C'était tout que contre comme Buck Rogers. C'était les meilleurs matchs de baseball que j'ai vu. Il y avait de la stratégie, de la vitesse. D'abord, les cards, le stade Bush, l'ancien stade Bush, la balle, c'était un cimetière de frappeurs. Fait qu'on utilisait ouais. Le court et frappe, on utilisait des vols de but, on utilisait. Et surface synthétique, ça favorisait les coureurs rapides. Et c'était vraiment intéressant. Et même au début, par contre, des années 90, même si on n'avait pas autant de vitesse, il y a plein de joueurs spectaculaires qui ont marqué là, vraiment ma jeunesse, des voleurs de but. Là, je me souviens, tu sais, Ricky Anderson qui était en fin de carrière, Tim Raines. Ouais. C'est des joueurs qui étaient plus avancés en âge, mais il y avait des joueurs vraiment spectaculaires et on volait beaucoup, beaucoup de buts encore au début des années 90, justement sur ces surfaces synthétiques-là. Et la course au circuit et les stéroïdes ont vraiment tout changé un peu la façon avec laquelle on joue au baseball. Mais ça revient, hein, on se souvient des Royals il y a 3 ans quand ils ont gagné la Série mondiale. Je me souviens dans le match du meilleur deuxième contre les A's d'Oakland, on a volé des buts à profusion pour revenir dans ce match-là. Et dans les séries, on a mis beaucoup de pression avec la vitesse sur les buts, puis ça a fini par payer avec un championnat. J'espère que ça va revenir. J'aimerais ça que ça reviendrait parce que, tu sais, c'était vraiment, écoute, ces matchs-là, c'était incroyable. Ça va être très intéressant. Les Red Sox, les Yankees, les futurs Expos, en parenthèse, une blague, les Rays, les Blue Jays et les Orioles. Donc, moi, je vois, c'est drôle, hein, les Yankees et les Red Sox, je les vois beaucoup moins dominants que l'an passé. Les Red Sox, la relève, évidemment. La perte de Kimbrel va faire très mal. Là, tu confies la balle à Danny Barnes. C'est pas le même type de releveur. C'est pas, tu sais, un releveur intimidant, Kimbrel en était un, ce qui n'est pas le cas avec Barnes. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça va être une course à deux. Je pense que les Rays vont se maintenir pareil avec la façon qu'ils font les choses. Ils envoient des lanceurs de relève commencer des matchs parfois. Je pense qu'ils vont lancer avec 3 lanceurs par temps, puis 2 matchs qui vont avoir des openers qu'on appelle, des lanceurs qui débutent les rencontres en venant de la relève et on complète avec des releveurs moyens. Et au bas de la division, un peu plus bas, les Blue Jays, je n'ai parlé tantôt, mais je pense que les Jays, ça va être une année un peu plus difficile, mais ça va les positionner quand même mieux que les Orioles, qui même s'ils ont battu les Yankees dans la série, ça va être une année excessivement difficile à Baltimore. Mais c'est un nouveau groupe de propriétaires, je pense qu'on a repris la bonne façon, puis quand on est parti de Manny Machado, bon, on est parti dans l'autre direction. Mais on a encore des gars, par exemple, comme Chris Davis, qui frappe même pas pour 200, puis qui gagne pas loin de 25 millions par année. Donc, il y a encore des vieux contrats qu'on traîne du côté de Baltimore. Et pour ce qui est de la course entre les deux équipes, je pense que les Yankees sont quand même favoris. Là, ils ont des blessures. On a vu Stanton aujourd'hui placé sur la liste des blessés. Aaron Nix est blessé, donc on a des blessures au champ extérieur. Par contre, l'enclos de relève est tellement solide. Tu vas avoir un gars comme Tanaka, tout ça, c'est pas le gars qui a le plus de résistance, il était beaucoup blessé, mais si les Tanaka, les Paxton, si Sabathia, si ces lanceurs-là sont capables d'aller donner des performances qui vont permettre là, un 4-5 manches solides. Tu sais, je veux dire un 4-5 manches que tu as accordé peut-être 3-4 points, ben, juste avec ta grosse offensive et ta relève, tu vas gagner ta part de match. Je pense que les Red Sox sont plus en danger. Pas de pas faire les séries. Là. Les Red Sox vont faire les séries, on ne se fera pas de cachette là-dessus, puis ils vont l'améliorer leur enclos s'il y a des problèmes. Mais je pense que si jamais ils sont pas à l'abri, s'ils ont une ou deux blessures, je pense qu'ils sont plus faibles, ils ont un petit peu moins de profondeur que les Yankees, et les Yankees peuvent pallier justement aux lanceurs partants qui ont des difficultés avec cet enclos-là. Et c'est ce qui risque de faire la différence en bout de ligne, puis de séparer les équipes par peut-être 4-5 matchs comme l'année passée, mais cette année, j'aurais tendance à dire que ce serait les Yankees qui seraient au sommet versus les Red Sox. Mais les deux vont être dans les séries, c'est ça. Je sais plus que Dallas Keuchel n'a pas trouvé de preneur. Moi, je le verrais que les Yankees actuellement. Ben, puis ça veut pas dire qu'il aboutira pas là non plus. Ouais. Les équipes, souvent, ils vont bouger, ils vont être sous pression. On prend les Brewers de Milwaukee, par exemple, qui, présentement, ont des blessures dans leur lanceur de relève. Ben là, présentement, ils discutent avec Craig Kimbrel, par exemple. Ouais. Parce que oui, Josh Hader est venu lancer la relève en fin de semaine de façon spectaculaire contre les Cards, mais c'est pas le rôle qu'on voulait lui donner. Alors, ça va bouger. On peut s'attendre que les équipes là, qui bataillent vont bouger et ça sera le cas certainement des Yankees puis des Red Sox. Comment tu vois les Rays, les futurs Expos? Moi, je les vois encore avec 4 ans, pas mal le même genre de victoire. Écoute, c'est une équipe qui n'a pas fait de grands moves. C'est pas mal le même genre d'équipe que l'année passée. Ils ont des jeunes encore. Je voyais Baseball America qui est classé au 3e rang des réseaux des filiales. Comment tu les vois? Ben, je pense qu'ils ont quand même plusieurs éléments intéressants. Et les mêmes, tu sais, sérieux, là, Bruno, là, je suis même pas capable de nommer. Puis hier, je regardais le match, hier, un bon bout du match contre les Astros de Houston, ben, tout le match. Je suis même pas capable de nommer cinq joueurs. Puis, en fait, c'est la force. C'est la force. En fait, c'est la force et la faiblesse de l'équipe d'Am. Ouais, hein? Dans le fond, la force, c'est que on a plein de jeunes qui ont poussé au cours des années. C'est un système qui produit énormément de jeunes joueurs avec du talent. On évalue bien, on développe bien. Puis effectivement, si un jour les expos ou les Rays deviennent les expos, ça va être un point positif beaucoup plus que de créer une organisation du début avec les débiteurs et tout ce que ça implique. Parce que on a vraiment une bonne façon. Par contre, ce qui manque souvent dans ces équipes-là, puis moi je le vois beaucoup avec les A's, hein, parce que je prends la comparaison avec Oakland qui a un petit marché, la problématique, c'est le joueur qui fait la différence. Quand tu arrives en fin de saison, quand tu arrives dans les séries comme les A's ont été l'année passée, ben c'est là où ça fait la différence. C'est là où ton joueur justement de concession, ton joueur vedette que tu payes 25-30 millions, souvent il fait la différence dans ces matchs-là. Et c'est ça qui manque à Tampa Bay. Donc, oui, c'est une force de leur équipe. Puis je trouve que c'est une belle équipe à suivre, c'est intéressant. Puis oui, ça fait en sorte que tu connais pas beaucoup de joueurs, à moins que tu suives vraiment les activités de l'équipe. Par contre, c'est un peu la faiblesse qui arrive en bout de ligne. Puis ce que je pense, c'est que si un jour une équipe comme ça s'amène dans un marché comme Montréal, par exemple, ben ça se pourrait qu'on soit capable de se payer peut-être un ou deux joueurs qu'on pourrait pas se payer à Tampa Bay avec des assistances minimes et des revenus de télévision qui sont très, très faibles. Donc, si on vit juste sur le partage des revenus, tu peux pas te signer un gars comme ça. On l'a eu en la présence de Evan Longoria. Puis on se souvient que les Rays ont atteint la Série mondiale avec David Price, avec Evan Longoria, tout ça. Mais on n'a pas été capable de garder ce noyau-là. Et par la suite, même si on a participé aux séries puis on s'est maintenu proche du sommet, on n'a jamais pu y retourner. Et c'est le même cas avec les Royals de Kansas City. Donc, c'est un modèle qui marche. Mais il faut que quand ton noyau arrive à la maturité, tu puisses t'entourer de vétérans. Puis c'est ce que les Rays sont pas capables de faire. Effectivement. Donc, ça va être intéressant. Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que c'est la dernière année? Écoute, moi, je sais pas si tu as vu ce que... sur mon Facebook, qui a dénommé Simon-Pierre Bernier, qui a dit que le... ça n'a pas sorti nulle part. As-tu vu ça, passé? Que le propriétaire des Rays aurait dit, je dis bien au conditionnel, aurait dit que aux médias de Tampa Bay, personne n'a parlé de ça, qu'il pourrait annoncer des nouvelles désastreuses aux partisans, comme ça pourrait bien aller. Ouais, ben tu sais, puis je pense qu'ils mettent de la pression. J'ai pas nécessairement changé mon fusil d'épaule là-dessus. Moi, je vois pas vraiment de time frame ou de laps de temps. Tu sais, ça va venir quand ça va arriver. Ça va arriver. C'est plus la question de si ça va arriver. Je pense qu'on a assez d'indices pour croire que ça va arriver. Mais par contre, je pense pas qu'on soit nécessairement pressé non plus, tu sais, de faire aboutir le tout. Fait que j'aurais tendance à penser que peut-être que l'an prochain, c'est un peu optimiste, je vais dire ça comme ça. Mais dans un horizon de 2 ans, ça pourrait faire du sens. Puis ça risque de coïncider, Dan, avec un renouvellement de la convention collective. Ouais. Parce que si tu décides d'aller vers une expansion, les propriétaires peuvent arriver puis dire, écoutez aux joueurs, regardez, là, on va mettre deux nouvelles franchises, on va arriver avec ces franchises-là qui vont amener des millions, voire des milliards de dollars dans les coffres de la Ligue, on va répartir les joueurs, ils vont avoir plus de joueurs dans le baseball majeur. Fait que tout ce que les joueurs reprochent actuellement aux propriétaires, c'est quoi? Ben, c'est que c'est les grandes vedettes qui sont payées des très grosses sommes qui, eux, jugent des fois même insuffisantes et avec raison. Et à l'inverse, c'est que les joueurs des mineurs gagnent des peanuts puis les joueurs d'entrée de la Ligue gagnent rien. Ben là, tu vas créer des postes réguliers à plus haut salaire en amenant des nouvelles équipes. Fait que je ne serais pas surpris que ce soit l'as dans la manche des propriétaires éventuellement dans une négociation ou du moins dans l'acceptation d'une convention de dire ben, à l'intérieur de la prochaine convention, il y aura deux nouvelles expansions. Et là, à ce moment-là, le dossier des expos pourrait bouger et d'ici là, la construction d'un stade pourrait s'entamer. C'est le genre de situation en plus moyen-long terme, mais avec des propriétaires comme à Tampa Bay souvent qui est volatile puis qui dit des commentaires puis on sait pas trop où ce que ça s'en va. Ça serait pas surprenant non plus que ça arrive rapidement. Mais j'aurais tendance à penser que quand tu parles beaucoup comme ça, il se passe pas grand-chose. Je serais plus confiant s'il ne parlerait pas du tout que de ces genres de commentaires-là. OK. Bruno, très tôt, intéressant. On se reparle pas vendredi ici, là, parce qu'on devait se parler. On se parle deux semaines. Donc, cette semaine, ça va être Mark Griffin quand on va parler. Au plaisir. Bonne semaine, Bruno Boudreau de baseball.